sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Jean-François Lusignan avec vous pour l'émission du Terminus, édition du 8 décembre. Le Terminus, c'est une émission qui est consacrée au rock indépendant et tout ce qui gravite autour. Et ce soir, comme à l'habitude, on aura un beau mélange de nouveautés et de trucs plus anciens. Par exemple, il y aura du Amanda X, du Land of Talk, du WD-40, du Octoplot, également du Cousins, qui ont fait paraître un nouvel album le printemps dernier. Et vous allez pouvoir retrouver la liste complète et réécouter l'émission sur le CISM893.ca à la fin ou en direct toujours sur l'application mobile de CISM. C'est intéressant de le mentionner. On va débuter avec Madame Chelsea Wolf, une fille de la Californie, dont on a appris dans les derniers jours qu'elle fera partie du festival ATP Iceland qui se tiendra au mois de juillet 2015. Oui, on y pense déjà. Dans la ville de Reykjavik, en Islande, en fait, il s'agit d'une ancienne base militaire à une vingtaine de minutes de route de Reykjavik, la capitale. Festival assez intéressant qui en est sa troisième année, je crois, à cet endroit-là. Il y a lieu à différents endroits en Europe. Tout ça pour dire que cette année, la tête d'affiche, ben, c'est Berlin Sebastian. Il y a également Godspeed You Black Emperor, Ice Age, Modony, entre autres, seront de la partie. Donc, assez intéressant. Et Madame Chelsea Wolf sera de l'affiche également. Elle sera peut-être là pour jouer, entre autres, les chansons de son quatrième album, qui paraissait l'année dernière. Je pense que c'était à l'automne 2013. Là, un album assez intéressant aux racines folk qui s'appelle Pain is Beauty. On va entendre justement une chanson de cet album, la chanson Destruction Makes the World Brighter de Chelsea Wolf. On débute ça comme ça. L'émission de Terminus débute à l'instant. Bonne écoute. I'm ready. mother in a celebration of humanity. Mother eating mother in a celebration of humanity. Mother eating mother in a celebration of humanity. Mother eating mother in a celebration of humanity. Guess your name. It's not the same as playing your dreams in sequence. Where is the love when the money ends? When does it stop in theory? Mother, Priest avec Right Wing, une chanson tirée de leur tout premier album qui paraissait cet automne sur Giovanni Records, qui compte aussi dans ses rangs des groupes assez connus quand même, comme Screaming Females, Wacha Hachi, entre autres, une étiquette vraiment intéressante. Et Priest, un groupe de Brooklyn, si je me rappelle bien, sont passés à Montréal il n'y a pas tellement longtemps, cet automne justement. C'est en novembre, j'ai ça noté devant moi. C'était en première partie de Dear Oaf, qui eux aussi ont fait paraître cet automne un album assez fameux, en tout cas à écouter. Et juste avant, c'était la musique de Christian Fitness, le projet solo de Andrew Falkus, le leader des groupes Mick Lusky et Future of the Left. Non, Future of the Left plutôt. La chanson Teat se retrouve sur un premier album que M. Falkus a lancé en juillet dernier. Il racontait que il a perdu son emploi l'hiver dernier et il avait un petit peu rien à faire. Il a décidé d'enregistrer des albums dans sa maison, quelque chose comme ça. L'histoire est complète et disponible sur sa page web, sa page Bandcamp, christianfitness.bandcamp.com, si vous voulez en entendre davantage de ce projet assez intéressant. Encore une fois, je le dis souvent, tout est intéressant ce qui passe à l'émission, mais bon, certaines choses un peu plus que d'autres. On poursuit avec un groupe local qui n'a pas donné de nouvelles depuis l'apparition d'un EP, d'un mini-album en 2012. Pourtant, ça annonçait des choses, c'était prometteur. On écoute Shine On Pacific avec Better Chess sur la 89.3 CISM. I do my best, and I promise that I'll get better. You tie my shoes, at least get loose. Break chocolate eggs and cash. Stick your fingers in tomatoes, buy me blushing eyes. Thank you for my Austin, it's the best gift that I have, that I have. Answer back when I speak rubbish in kids, but I promise it's just for now. directement de la Nouvelle-Orléans, c'était le trio Grotto Girl avec Worn Out, qui est extrait d'un premier mini-album que le trio groupe a fait paraître en novembre sur sa page Bandcamp de façon donc complètement indépendante. Donc Grotto Girl avec deux T et deux O dans le milieu et la fin. C'est ça, et c'était précédé d'Amanda X et la chanson Guatemala. Eux aussi sont un trio, en fait trio seulement de filles, ils sont de Philadelphie. Et si vous avez aimé, ben, ils seront en spectacle à Montréal le 18 janvier prochain, donc janvier 2015, en compagnie des Vaselines. Ça se passera, ce spectacle-là, au Ritz sur le boulevard Jean Talon. On continue maintenant avec trois autres projets féminins. Vous allez entendre dans les prochaines minutes du Land of Talk, du Army Girls. Mais on débute avec le projet solo de Jessie Crow, qui fait partie du groupe Beliefs et qui a fait paraître Madame Crow depuis 2012 trois chansons sur sa page Bandcamp. On va entendre la chanson, en fait, la plus vieille des trois. Elle s'appelle la chanson The Devil. Et, fait intéressant, les trois titres ont été réalisés par Josh Corolli, qui est l'acolyte de Jessie Crow dans Beliefs, groupe de Toronto. Et ben, c'est ce qu'on entend dans les prochaines minutes. Je vous rappelle que jusqu'à 20h, vous écoutez Le Terminus sur les ondes de CISM, la meilleure de l'indie rock. Jean-François Lusignan avec vous. We'll be right back. C'était 16 Asterisk de Land of Talk, le projet mené par Elizabeth Powell, Liz Powell, qui malheureusement n'a pas donné de nouvelles depuis les derniers spectacles donnés en 2011. Ma plus grande déception, parce que quand même, hein, quelle voix que cette Liz Powell. Vous avez aussi entendu dans les dernières minutes la musique d'Army Girls, la chanson The Power, qui figure sur un EP sorti en 2011. On attend toujours un premier album pour ce duo de Toronto, formé par Andy Smith et Carmen Hale. Il semblerait, selon la petite histoire qu'on peut lire sur Internet, que le groupe a enregistré ce fameux album, mais il n'était pas satisfait du résultat, donc ils sont en train actuellement de travailler ils ont fait recommencer à zéro et travaillent actuellement sur la suite donc de ce mini-album sorti en 2011. Et également, pour compléter l'histoire, Carmen Hale, c'est aussi la voix du groupe synth-pop de Toronto, Diana, qui a quand même connu une belle année 2014, donc avec la sortie d'un premier album lui aussi, qui a été quand même bien reçu, qui a quand même beaucoup tourné à CISM. Donc, on peut supposer que Mme Hale est assez occupée. Donc, avec d'un côté le projet Diana et de l'autre côté le projet plus rock un peu, Army Girls. On va continuer avec une chanson qui me vient en tête à chaque fois. C'est immanquable à chaque fois que je franchis la limite de l'autoroute 25 vers l'Est. C'est la chanson « Je reviens de l'Est » de WD-40 sur CISM 89.3. Les Grecs qui vivent au loin là-bas, on le met plus canadien que moi. Je reviens de l'Est, one way tatoué entre les deux fesses. Les cowboys qu'il y a là-bas, eux ne sont pas plus western que moi. Je reviens de l'Est, où poussent les Molson tablettes. Les tavernes de ce coin-là aiment les dames autant que moi. Je reviens de l'Est, reviens de loin avec des restes. Si j'y retourne un jour, crois-moi, ce sera pour y mourir avec toi. Seront pas plus western que moi. Et nous reviendrons dans l'Est, autour de deux hot-dog-dresses. Je sais que tu n'en voudras pas, et ce sera beaucoup mieux comme ça. Et ce sera beaucoup mieux pour toi. Et ce sera beaucoup mieux pour moi. Et ce sera beaucoup mieux comme ça. Oui, ce sera beaucoup mieux comme ça. sur cette cohue de plastique, moins glacial que le Québec ou l'Afrique, moins fiévreux que le Brésil magmatique. Tous ensemble là, on va lire l'existence pragmatique. David and the Woods, Terra Destruction, de son album David et les Bois, qui paraissait l'année dernière et qui, pour la première fois, il me semble, faisait la place, une bonne place en fait, au français. On peut dire que le français fait bien à David and the Woods. Et l'ancien batteur de Crab sera en spectacle le 15 janvier au Atomic Café sur la rue Ontario dans Hochelaga, en compagnie d'Il danse avec les genoux, entre autres. Donc, 15 janvier, pour voir David and the Woods sur scène. Juste avant, c'était Je reviens de l'Est, de WD-40. Quel poète que c'est, Alex Jones, qui nous parlait de l'endroit où poussent les hot dogs. Les mots sur une tablette, c'est bien ça, et les hot dogs également. Donc, c'est ça. On poursuit maintenant avec le stoner rock d'Octoplot, dont le premier album, Pansement, se trouve certainement dans mes favoris de l'année 2014. En tout cas, du côté francophone, on écoute Point Punk d'Octoplot. Et je vous rappelle que si vous aimez la chanson, il y a une version acoustique qui a été enregistrée pour la chaîne d'Ontario, Barbare. Donc, cette chanson Point Punk, on l'écoute dans sa version originale, mais elle existe également en version acoustique très intéressante. Donc, on écoute ça à l'instant, Octoplot. Sur le Terminus. We'll be right back. c'était puissant. C'était le duo d'Halifax Cousins avec Dead Man, une chanson tirée de The Halls of Wick Warrior, un album qu'ils ont lancé ce printemps sur Andron Dracula Records, un super label de Toronto sur lequel se trouve entre autres Beliefs, dont on parlait plus tôt dans l'émission. Restez à l'écoute dans quelques minutes après les publicités. Roman Blouin sera avec vous pour Nous sommes les rockers. Vraiment, restez à l'écoute. Dans quelques instants également, vous allez pouvoir retrouver la liste des chansons qui a passé dans la dernière heure en vous rendant sur le CISM893.ca. Également, leterminus.ca pour les archives. Je sais pas trop encore qu'est-ce que je vais vous faire tourner la semaine prochaine. Est-ce qu'on y va avec déjà le top 2014 ou on attend la semaine suivante? Dans tous les cas, vous allez découvrir ça la semaine prochaine ou sinon, je vais vous l'annoncer, je pense, même sur la page Facebook du Terminus. Vous pouvez aller voir ça. On va se quitter avec la musique de Young Boys qui verse dans le post-punk. Ce sera la chanson Sleep d'un album, un mini-album qui s'appelle 8 Young Boys qui vient de paraître. Je m'appelle Jean-François Lusignan, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve lundi prochain, 19h, pour une autre édition du Terminus. À bientôt, ciao! Moins jeune, tu es au courant qu'il existe un nouvel antidépresseur sans frais? Ou que tu en as besoin, mais tu te demandes quel est-il? C'est facile pourtant, car il t'est offert gratuitement tous les vendredis matins de 7h à 9h. C'est la magie de SGIS! Du plaisir, de la joie et surtout de la bonne musique du terroir d'ici et d'ailleurs. Prescription et rendez-vous, vendredi 7h. En tout cas, moi et Normal Amour, on va être là. Soyez-y! Oubliez le passé, le futur. Allonge-toi dans la forêt. Écoute Dextro, Propogi, Finn, Smack. Le dimanche à 22h sur CISM 89.3. Tiens, tu saignes encore un peu de l'oreille? Dis-moi, Martin, où devrais-je aller pour savourer l'actualité internationale? Eh bien, Philippe, au monde dans tes oreilles, nous vous garantissons la fraîcheur de plus de 150 délices internationaux offerts en rotation et préparés tous les jours par nos animateurs devant vous. Une émission pour la famille et les amis offre un menu international haut de gamme, inspiré des meilleures nouvelles provenant des quatre coins du monde. Et avec un choix de mets aussi varié de qualité, il est facile de combler tous les goûts et tous les appétits. Le monde dans tes oreilles, les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM La Marge. Qu'est-ce qui est frais et rafraîchissant musicalement en ce moment? Pour le savoir, syntonise CISM 89,3 FM les dimanches à 18h pour le char de marge ou bien du lundi au vendredi, toujours à 18h pour l'émission Palmarès afin de découvrir les chansons les plus appréciées de nos animateurs. Les turbotanements à CISM dans ta radio. Oh, oh, oh, oh, oh. Les turbotanants sur les ondes de la marche 89.3. Tous les samedis de 17 à 18h, ça va brasser dans tes shorts. Lorsque t'as besoin d'un petit rayon de soleil pour partir ta journée, là, CISM. Coquille, sensuelle, ardente, sexy, alléchante. Oh boy, attention. Bon, ça peut sembler rebutant comme ça. Avez-vous peur? CISM. Et allez, continuons. Est-ce que c'est le temps d'une petite météo? Ah oui, très petite. On jasera de ça ensemble. Oui, ça va être plate. Ben voyons donc, c'est impossible. C'est pas mal la seule station écoutable du Grand Montréal. CISM 89.3 FM. La marge. C'est dur à dire, la marge, hein? La marge. Yes! Les criquets crinqués, votre rendez-vous en musique moderne depuis 14 ans. Les criquets crinqués, tous les lundis 21h, sur les ondes du 89.3.